2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. What's up, no? Stop! Give her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine, sans qu'on parle des New York Knicks. Eh oui, on vous la fait pas en polonais, on vous la fait pas en espagnol aujourd'hui, on la fait en bon vieux français. Comment ça va, Seb ? Eh ben écoute, ça va, on a passé un bon dimanche, c'était la fin des JO. Et pour ceux qui veulent découvrir le hockey sur glace, je vous invite à regarder cette finale entre les États-Unis et le Canada de hockey sur glace olympique. Elle était incroyable cette finale. Le scénario, il y a tout. Franchement, c'est dommage que le tournoi soit fini parce qu'il était vraiment bien, quoi. Les amateurs de petits palais sur glace se sont régalés. À ne pas confondre avec le duel Josh Hart-Benny de Boule, rien à voir. Mais effectivement, semble-t-il, il y avait une belle finale et les Américains auraient gagné, j'ai oui dire. Ah ben, 46 ans après ce qu'on a appelé miracle sur la glace, il y a un film très sympa là-dessus à regarder qui explique justement l'équipe américaine composée de jeunes talents de universitaires qu'ils avaient envoyés aux Jeux Olympiques de 80. Alors, du coup, ça s'était passé. Et ils avaient affronté l'armada de l'URSS qui était composée de stars et compagnie. Et les Américains les avaient battus. Les jeunes Américains les avaient battus. Ça avait fait un tapage de dingue. Parce que les Américains, ils n'ont pas non plus un énorme palmarès mondial, et notamment aux JO. Et du coup, 46 ans après, les Américains retrouvent la première place. Et franchement, au niveau du scénario du match, on serait presque sur un miracle sur la glace 2. Tant la domination canadienne était impressionnante. Mais les Américains avec Connor Hellebuyck dans les buts, un mur. Donc ils n'ont rien pu faire. Voilà, j'en parlerai pas mieux. Si vous l'avez vu, vous pouvez nous confirmer. Si vous ne l'avez pas vu, on vous le conseille. Et puis le film Miracle sur la glace ou le documentaire, je ne sais pas. C'est un film très sympa, vraiment très sympa. Auprès de votre loueur de DVD du coin de la rue, ou peut-être sur les plateformes. Bon, après ces histoires de palais sur glace, nous on va parler un peu de ballon dans des paniers, du panier ballon. Du basketball. Et vous le savez, comme à chaque fois, il y a beaucoup de choses à dire sur les Knicks. Parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses pour cette semaine de reprise post-All-Star Break. Donc on perd pas de temps, on regarde si on parle espagnol, polonais ou français peut-être. Allez, c'est parti, épisode 147 sur KNF TV Have a Knicks Week. Let's go. Alors, est-ce que les Polonais sont bons au hockey ? Non. Est-ce qu'ils sont bons au basket ? Oui. On en a eu. Rappelle-toi, Maxim Gortat, le surnom du mec. Quand je pense à lui, je pense effectivement, Martin Gortat qui sortait... de soirée avec une ribambelle de petite nana. Bref, le marteau polonais. Non, on parlera pas de marteau, on parlera peut-être un peu de polonais, parce que effectivement, cette semaine, c'était les premiers matchs, les grands débuts de ce chevelu qui est Jérémy Sochan, on dit Sochan. On sait pas le C, il sert à rien. Je comprends plus. Bref, Sochan est un Knickerbocker. Il a eu le droit à sa petite conférence de presse, interview en tout cas par les médias. Il s'est exprimé, mais c'est surtout sur le terrain qu'on avait hâte de le voir s'exprimer, voir un petit peu quelle place il allait trouver dans la rotation de Mike Brown, un joueur qui arrive au moment de la trade deadline sur le marché des buyouts. On a eu trois petits bouts de match. Trois échantillons. Alors, on va pas parler des contenus des matchs tout de suite, mais on va faire un focus sur l'arrivée de Sochan. On pouvait se poser des questions. Est-ce qu'il allait grappiller des minutes à Mo Diawara, qui est un joueur qui évolue plus ou moins sur le même poste. Mo Diawara évoluant plutôt poste 4, voire 3. Est-ce que Sochan allait lui prendre sa place stricto sensu? Ou au contraire, est-ce qu'il allait avoir une petite cohabitation? Est-ce qu'il allait avoir beaucoup de minutes ou pas? Comment allait-il associé? Est-ce qu'il a été associé à Kat, à Mitch? On se posait ces questions. On a quelques éléments de réponse après trois petits bouts de match. On va parler des bouts de match parce qu'il n'y a pas non plus un gros temps de jeu pour Sochan. Bon, qu'est-ce que toi t'en as pensé, Seb, des premières impressions, des premières sorties de Soane? Ben, je me dis qu'il le fait pas mieux ce que Mohamed Diawara a fait. Et le français a lui un shoot en plus. Donc je suis pas pour l'instant hyper convaincu de ce qu'il propose. Défensivement, oui, il se la donne, il a de l'énergie. De là à dire qu'il est supérieur à Diawara, ça saute pas aux yeux, hein. Et ensuite, offensivement, il est là pour faire de la figuration, on a bien vu, hein, il a quasiment aucune cartouche. Là, tu vois, contre les Détroit Pistons, il joue 10 minutes, il fait un tir. Contre Houston, il joue 4 minutes, donc là c'est vraiment anecdotique, il joue 4 minutes contre Houston, il fait 2 tirs, il n'en met aucun. Et hier contre Chicago, il joue 11 minutes et il prend 2 tirs. Et il en met un sur les deux. Voilà, il met le dunk, l'interception dunk. Voilà. Hormis ça, après, derrière, j'ai pas l'impression que pour l'instant, il y a vraiment un grand projet pour lui dans la rotation. Oui, il est testé. Pendant combien de temps il va être testé par Mike Brown, j'en sais rien. On a vu des associations, notamment hier, dans le match, à un moment donné, les deux ont été alignés ensemble, mais sûrement sur une très courte période, Diawara et Sohan. Alors non, pas sur le match de face aux Bulls, parce que Mo joue pas, Non, mais pas, c'est pas, plutôt non, non, sur... c'est, non, contre Houston, contre Houston. Oui, C'était contre les contre Bulls, non, Houston. contre Houston, contre Houston, exact, exact. Hier, il a été DNP, Diawara. Mais je sais pas ouais, combien de temps ça va encore durer le test. Mais pour l'instant, en tout cas, de ce qu'il montre, bon, écoute, on comprend pourquoi il était DNP aux Spurs. Du côté des Spurs, effectivement, bon, pour l'instant, comme on le dit, c'est l'échantillon est assez faible, hein, il n'y a que 3 bouts de match, dont 4 minutes dans le match face aux Rockets. Un match qui était serré, qui était attendu, qui était disputé, il fallait rebondir après un mauvais résultat, on va en parler dans quelques instants. Mais voilà, est-ce qu'il allait prendre des minutes de Mo Diawara? Pas forcément évident de le dire sur les deux premières sorties. Sur la troisième, dans le back-to-back face aux Bulls, bon bah voilà, Mo Diawara, c'est un DNP. Est-ce que c'est un DNP qui est imputable à la présence de Sohan pour 11 minutes? Pas forcément non plus. Donc on va attendre un petit peu d'en avoir un petit peu plus sous la dent pour savoir quels sont les plans réels des Knicks et de Mike Brown vis-à-vis de Sohan. C'est pas, voilà, c'est pas un défenseur élite qui change le game. On a eu plus de, comment dire, de game changer moment de la part de José Alvarado sur ses quelques sorties depuis son arrivée et entre autres cette semaine que de la part de Jeremy Sohan. Sohan qui a mis un beau petit contre sur Cade Cunningham, c'était bien, c'était mignon, ça a permis de baisser un petit peu sa feuille de stats. Parce qu'elle était déjà bien élevée. Mais voilà, en tout cas, on n'est pas non plus sur un profil évident à intégrer et une intégration totale dans le plan de jeu d'Enix. D'un point de vue offensif, tu l'as dit, il prend des miettes. Même si Mo Diawara a peu d'expérience, bah, il avait un peu plus de tick et shoot, ou un peu plus comment dire, d'initiative, à voir un petit peu comment tout ça évolue. Bon, c'est l'arrivée, la dernière en date, fallait qu'on en parle, on verra si cette semaine il y a un peu plus à se mettre sous la dent. Arrivée, retour, il y a des retours en NBA. Oui, tiens donc, qui ça? Campaign. Bah oui, rappelez-vous, l'année dernière, il était dans la troupe à Thibodeau, c'était le meneur backup derrière Jalen Brunson. Il avait joué une grosse partie de la saison avant de perdre un peu sa place à la fin des playoffs. Même si on se rappelle qu'il avait mis un bon petit shoot là face à Détroit hein, au premier tour. Il nous avait un petit peu aidé. Mais voilà, son aventure elle est un peu compliquée en NBA. Il est reparti en Europe et il est revenu. Où ça? Aux Sixers. Donc à voir si d'aventure on le recroise. Ça ne sera pas en régulière. Peut-être en playoff, on ne sait pas. On ne sait pas. Campaign et puis un ancien Knicks en cache un autre. TJ Warren, c'est un Knicks ou c'est pas un Knicks? C'est un Westchester Knicks en tout cas. Un joueur de G League qui revient. Alors, il était un peu passé sous les radars depuis un moment. On s'attendait la saison dernière, pourquoi pas, à un test par moment en mode two-way ou que sais-je, pour pouvoir intégrer la rotation des ailiers là où Tom Thibodeau avait un usage assez limité de son banc. Finalement, ça s'est pas fait. Et puis, bah, on ne sait pas où est-ce il a disparu entre-temps. Mais il est de retour avec les Clippers des Westchester Knicks, les Clippers de G League. Alors, ça, c'est une news sans en être une, mais il y a des gens qui spéculent. Il y a des gens qui spéculent assez vite, peut-être un peu trop vite, en se disant, dis donc, Jordan Clarkson, il joue plus en ce moment. Et c'est vrai, il collectionne la DNP. TJ Warren, il arrive au Wichita Knicks. Est-ce que ça serait pas une histoire de buy-out et puis on récupérait TJ Warren au Knicks? Ouais. Minute, minute, minute. On va éviter les trop grosses spéculations. On a déjà eu les doses de spéculation vis-à-vis d'un certain Grec. Là, je ne sais pas s'il y a vraiment un plan TJ Warren, puisqu'il n'y avait pas eu de plan la saison dernière. Ça paraît un petit peu tiré par les cheveux, Ouais. ces hypothèses, ces scénarios. Oui. Non, il n'y a aucun Hein? scénario. Il n'y a aucun scénario pour TJ Warren. Et puis quand bien même tu coupes Clarkson pour ce qui serait bon désastreux maintenant en fait et tu fais signer TJ Warren en fait le gars serait DNP tout pareil donc non Ouais, ça n'a pas de sens faut distribuer les minutes, il n'y en a pas forcément. La rotation, elle est, le groupe est assez consolidé maintenant. On a du mal à voir comment il pourrait y avoir ce mouvement. Bon. Mais en tout cas, voilà, c'était les choses des coulisses, les arrivées, les retours. Et qui dit arrivée, retour? Le retour des viewing parties. Et oui, si vous avez l'œil affûté, vous avez vu que les bandeaux latéraux ont changé sur cet épisode. Et ben oui, parce qu'on arrive bientôt, mais sûrement en mars, le mois de février étant un mois traditionnellement un peu plus court, à la fin de la semaine, nous serons en mars. Et à la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on va voir arriver? Quel est le retour qui va s'opérer? Le retour des KNF Viewing Party. Et oui, on avait été contraint d'annuler la dernière face aux Boston Celtics par un problème d'organisation. Mais cette fois-ci, pas de souci, il n'y en aura pas une, mais deux. Not one, but two. Not three, not four. Ah, doucement. En tout cas, il y en aura au moins deux sur la quinzaine à venir. Et ça va commencer dès ce dimanche pour la réception des San Antonio Spurs. Mais oui, rappelez-vous, la Cup à Vegas, c'était eux. Et ils seront de retour, où ça? Au Madison Square Garden. Les Knicks se sont déjà frottés aux Spurs deux fois cette saison. Mais c'était dans le cadre de la Cup, de la finale. La dernière fois, ça s'était passé à la transition entre 2025 et 2026. Transition qui s'était pas trop bien opérée pour les Knicks pour le coup. Et c'était dans le Texas. Là, cette fois-ci, c'est le vrai match retour de la saison régulière. Et ça se passera au Madison Square Garden. Donc, c'est une soirée qu'on organise encore une fois dans notre repère habituel du Hideout Paris-Gare du Nord. Donc, on vous y attend ce dimanche 1er mars à partir de 18h30, coup d'envoi à 19h. Donc, venez nombreuses et nombreux. Et si vous ne pouvez pas venir ce dimanche, bon, il y a une séance de rattrapage. Puis même si vous pouvez venir ce dimanche, il y aura une deuxième soirée qui aura lieu dimanche de la semaine prochaine, le 8 mars. Et là, on aura quoi qu'au programme? On aura un petit bronbron. On aura le duel des Kings, le King de la NBA, l'autoproclamé, et le King of New York, Jalen Brunson. Bah oui, pourquoi pas. Et ça sera au programme de dimanche dans 15 jours, donc 8 mars, toujours au même endroit. Pas tout à fait la même heure, ce sera à partir de 20h pour un coup d'envoi à 20h30. Vous avez tout ça, toutes les informations sur le site web, sur les réseaux sociaux. Et voilà, venez, les affiches ont l'air plutôt sympathiques. En tout cas, on peut difficilement faire mieux, hein, je pense, hein, en ce moment. J'espère, c'est pas trop mal. Hein. Ah, l'espoir, ça joue bien. Hein. Ça joue pas trop mal. Bon, l'Enix, ça joue pas trop mal. Ça joue mal, ça joue pas trop, ça joue quoi? Et ben la semaine dernière, on a eu un petit peu à boire et à manger. Semaine de trois matchs et un retour attendu, une reprise attendue face aux Detroit Pistons. Les leaders de la conférence Est, mais pas que. Les leaders de la NBA au sens large. Oui, comme quoi les choses peuvent aller très très vite en NBA. Hein, on parle plus du Thunder qui est champion en titre, qui est leader. Bon, ils accusent quoi? Un ou deux matchs d'écart, je crois, au classement. Il n'y a pas non plus un break très impressionnant entre les deux bilans de ces deux franchises. Mais en tout cas, les Detroit Pistons se sont pointés pas au complet. Il y avait quelques suspensions, mais ça n'a pas empêché d'avoir leur leader en chef, a.k.a. Kate Cunningham, qui a fait le show au Madison Square Garden, tout simplement. Il a passé en revue tous les défenseurs qu'on pouvait avoir à lui mettre, même Jeremy Sohan, oui. Et il a tout simplement mené les siens à une nouvelle victoire des Detroit Pistons sur les Knicks. 4 cartons gagnés par les Detroit Pistons, comme sur les deux précédentes rencontres. Une victoire sans appel. Bon, est-ce que Cade Cunningham, c'est le meilleur joueur américain? Est-ce que c'est un MVP très probable, potentiel cette saison? Voilà, est-ce qu'il était vraiment trop fort pour les Knicks? Est-ce que les Knicks avaient zéro plan? C'était quoi le problème Cunningham insoluble pour la bande à Mike Brown mardi? Non, c'était mercredi, enfin je sais plus, en début de semaine. Seb, est-ce que tu as une idée, une réponse à cette énigme Cade Cunningham qui n'arrête pas de dominer? C'est un joueur magnifique qui est dans l'air du temps en fait des morphotypes NBA. C'est un grand costaud, il peut jouer sur plusieurs postes. Très beau meneur. Est-ce que c'est le meilleur joueur américain? Peut-être. On a Anthony Edwards qui est également présent. Quand je me penche un peu sur cette génération, je me dis waouh, les JO de 2028 à Los Angeles. Elle postule. En tout cas, Kate postule fortement en disant, bah ouais, moi, faut me prendre. Moi, je suis le meilleur joueur américain. Alors c'est sûr qu'il y aura encore peut-être quelques anciens, mais déjà hein, que cette paire-là de guards, Cunningham Edwards, ça va être très sympa. Non, il est très fort, moi j'adore ce joueur. Hors Knicks, Cunningham fait partie des joueurs que j'aime beaucoup. C'est pas un joueur à casserole, c'est pas un joueur qui va faire du bruit par rapport à son extra sportif. C'est un joueur sérieux qui a très vite été dans le bain de l'NBA avec De mauvais notamment bains. Enfin, de ses mauvais premières bains. saisons très compliquées. Mais la NBA, comme j'aime souvent dire, c'est des histoires de cycles. Et c'est pas parce que t'es mauvais un jour que t'es mauvais, que t'es voué à être mauvais tout le temps. Et les Detroit Pistons, c'est quand même une équipe qui a un gros passé, une grosse histoire. Et là, en fait, ils sont en train de renouer un peu avec cette histoire-là. Ils sont revanchards avec un Cunningham en tête d'affiche, en franchise player. Et c'est un franchise player. Et il a totalement des arguments à faire valoir pour le dossier de MVP. Surtout qu'en plus, visiblement, bon. Je crois que à écouter la dernière fois, il y avait eu un débat comme ça sur Basket Session au CQFR, ils en parlaient. Et donc ils disaient que visiblement Jokic a plus de marge de manœuvre. Je crois qu'il faut plus qu'il rate un match parce qu'après sinon il est out. SGA est actuellement hors service, à voir jusqu'à quand, mais pour l'instant, ben voilà. Et pour l'instant, ben, Wembanyama n'est pas encore dans la course, alors que potentiellement il pourrait l'être, hein, je veux dire, les Spurs font une super saison. Mais Détroit, en fait, a cette faculté, c'est qu'en 2 ans, ils sont passés d'équipe bottom à équipe playoff. Et là, ils vont potentiellement reprendre encore presque 15 wins de plus par rapport à la saison dernière. En termes de C'est énorme. progression, on est sur, je passe de la cave au rooftop, quoi. Open Ah non, top. c'est impressionnant. Et donc, non, non, il est excellent. Un joueur difficile à arrêter quand il a envie de marquer. Surtout qu'il a développé désormais un shoot à 3 points. Il finit à 5 sur 11 le match. Et on a bien vu, on a pu lui envoyer Mikal, on a pu lui envoyer OG, on a pu lui envoyer par séquence Sohan. Bien naïfé. Chamette par moment. Bon, là, ils se sont un peu Chamet, tous tout. relayés. Hart. Mais rien n'a fait. Quand il a voulu y aller, il met l'épaule et il y va. Et non, il est incroyable. C'est un super joueur. Et voilà. Il a le jeu complet plus le playmaking, ce qui fait de lui, ben en fait, voilà, un joueur hyper complet. Kate Très Cunningham, bien. voilà. Alors voilà, on n'est pas là pour spécialement faire les louanges des Pistons, mais force est de constater que c'est un leader Ah, il a accès. incontestable. C'est un super joueur. Voilà, donc effectivement, il n'a pas pris mal la défaite la saison dernière en playoff. Voilà, il arrivait avec l'envie de montrer, de passer ce message aussi aux Knicks, que non, il n'avait pas peur, voilà, il était sur sa voie, sur sa progression, et il emmène son équipe avec. Alors, on avait évoqué le fait qu'il y avait des absents, qu'il y avait des joueurs qui avaient été suspendus. Bon, ça a pas changé le plan de jeu des Pistons, hein. Ils ont dominé leur sujet. Bon, on va reparler des matchs un petit peu après, mais voilà, il y avait un côté décevant parce qu'on aurait aimé voir les Knicks plus rivaliser avec ses Pistons, mais force est de constater que Cade était trop fort sur cette rencontre. La saison dernière, on pouvait se poser les questions dans le cadre d'une confrontation de play-off entre les Pistons versus les Knicks, ce qui s'est passé. Quel était le meilleur joueur de la série? On avait de l'expérience pour Jalen Brunson et on se disait, bah non, Jalen Brunson, il a encore un coup d'avance sur un Cade Cunningham avec des morphotypes totalement différents et des jeux globalement différents. Hein. On a de la passe, on a un sens du passing game chez Cade qui est quand même plus exacerbé, plus présent que chez JB. Peut-être moins d'utilisation du 3 points, voilà, moins de jeux en isolation. Bon, c'est différent pour moi, c'est pas du tout... C'est des meneurs, mais ils boxent pas de la même façon, en tout cas. Et donc, ouais, la saison dernière, on pouvait se dire que non, JB avait une longueur d'avance. Est-ce que là, Cade Cunningham aurait pas dépassé JB? Est-ce que c'est... Si c'est le meilleur joueur américain, ça veut dire qu'il est devant JB. En termes de ranking des meneurs, toi, tu les verrais comment, nos deux, Cade Cunningham, JB, et puis le reste de la concurrence, du Tyrese Maxey, qui fait une belle saison statistique, mais un peu plus compliquée au terme de bilan collectif, quoique. Où je le verrais SGA, c'est un meneur aussi, MVP en titre. Jalen Brunson, évidemment que je l'adore, mais c'est vrai qu'il a ce souci, ça on l'a toujours dit, il a ce souci de faire jouer les copains, de faire jouer ses intérieurs. On le voit des fois, il va s'acharner à shooter. Alors par moment, il y a des matchs où il voit qu'il n'est pas dedans, il fait jouer les camarades. Mais tu prends le match hier contre les Bulls, il a encore des pourcentages qui sont assez tristes, notamment à 3 points. Hein. Rencontre compliquée, ouais. Et là, en l'occurrence, attends, c'est sur quel match? Je sais plus, j'ai un doute maintenant. Non, c'est sur le match face à Houston où c'est compliqué. Il marque 33 points contre les Detroit Pistons, 12 sur 20, 3 sur 7. C'est pas désastreux. Hein. Il prend 6 rebonds, il fait 8 passes. Tu prends sa ligne statistique. Elle est complète. Elle est complète, mais je trouve Jalen Brunson est quand même un joueur plutôt unilatéral, plutôt offensif, plutôt slasher, clutch player. Voilà, moins dans le playmaking et moins dans aussi la partie finalement défensive. Et là où en fait Cade Cunningham, on l'a même il vu. Coche un peu toutes les cases quoi. On l'a même vu lors du All-Star Game mettre des contres. Oui, plus complet que Jalen Brunson, ça c'est sûr, c'est évident. Je veux dire, c'est pas parce que c'est un X qu'on va se mettre des guerres. Plus complet que Jalen Brunson, et s'il est quelque part dans la course au MVP, c'est peut-être pas pour rien aussi. Donc c'est un top 1 de draft. Faut pas aussi l'écarter. Oui, moi je pense que actuellement, en termes de talent pur et de polyvalence, de dynamique de réussite et de polyvalence. De polyvalence, il est devant Jalen Brunson. Ouais. Bon bah dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec notre constat hein, que Cade a passé JB. Alors, il reste l'expérience pour Jalen Brunson. Après, ça veut tout dire et rien dire. Ça veut tout dire et rien dire. Enfin, voilà, faire des classements comme ça, comme tu dis, ce sont deux personnes aux morphotypes différents. Enfin, tu vois, ce sont... Et derrière, quand tu vas voir des matchs serrés... j'ai pas assez suivi les Pistons pour dire est-ce que Cade est aussi clutch que JB. Voilà, Jalen Brunson, sa réputation n'est plus à faire. De prouver qu'il marque dans les moments chauds et qu'il n'a pas peur de prendre ses responsabilités et de les réussir n'est plus à faire. Ouais. Voilà, donc à un moment donné, Jalen Brunson est un joueur qui fait gagner. On verra cette année, c'est l'année de la confirmation des Detroit Pistons. Il se pose en favori de l'Est. Parce que bah, évidemment ça joue bien et puis que quand t'as un bilan comme ça et quand t'écrases la concurrence c'est que bah, t'es favori de l'Est. Maintenant voilà le juge de paix qui sont les playoffs qui vont arriver, vont déterminer ça. On a eu des James Harden qui ont écrasé des saisons. On a eu des Donovan Mitchell qui ont été pas comparés. Attention, hein, je dis juste dans le parallèle. Hein, Harden est un MVP, ce qui n'est pas Donovan Mitchell, mais dans le truc de regarder, je score sur ce qui je veux, je fais ce que je veux, et moi offensivement, perche, je suis inarrêtable. Et en playoff, ça n'a jamais fait quoi que ce soit. Donc voilà, on verra cette année. Ils sont en candidat pour les finales NBA. Lui est en candidat pour le titre de MVP, ce qui est tout à fait logique au vu de la saison qu'il propose. Équipe numéro 1, meilleur joueur de l'équipe numéro 1. Bon, voilà, c'est une discussion qui a totalement lieu d'être. Et enfin, il y a Iman Shumpert, ancien Knicks, bien sûr, un ancien joueur NBA, il est passé par différentes franchises, qui évoquait le fait que Brunson, lui, avait peut-être plus de pression sur les épaules qu'un certain Cade Cunningham. Oui, d'une certaine façon, quand tu as un boyau qui s'appelle New York sur la poitrine, forcément, il pèse un peu plus lourd. Mais voilà, est-ce qu'à la fin de la régulière, il n'y aura pas autant de pression sur les épaules d'un Cade Cunningham que sur un Brunson ? À voir. En tout cas, ça promet un printemps intéressant. Bon, les Knicks qui se sont fait laver, dominer par les Pistons, mais les Knicks qui ont su rebondir quand même dans la semaine. Il y avait un autre match qui n'était pas évident, le duel des 4 de conférence. Bah oui, parce que les Knicks, avec des défaites, ont glissé un petit peu dans les conférences, dans les classements. Ils recevaient les Houston Rockets, et c'était un match plutôt intéressant, palpitant, vivant, plein d'émotions. Hein. Encore un gros comeback, un match pour rebondir, et les Knicks ont su le faire. Là où ils nous ont sûrement déçus, pour beaucoup de fans, il était question d'enterrer les Knicks à l'issue de la défaite face aux Pistons. Certains parlaient carrément de projet reconstruction. Après une défaite, certes marquante, mais après une défaite en régulière, les Knicks ont montré une certaine forme de caractère, une certaine force de caractère avec un match face et un back-to-back face aux Rockets, puis face aux Bulls. Qu'est-ce qu'on retient de ces deux matchs aux philosophies, enfin aux physionomies différentes entre ces matchs de fin de semaine que sont la doublette Rockets, puis Bulls. Pas hyper, enfin, ça me rassure pas non plus. Alors oui, ok, il y a eu le retour de 18 points contre Houston dans le quatrième quart-temps, gros quatrième quart-temps des Knicks. Mais encore une fois, tu te fais malmener, t'es mené, t'es bousculé, tu vois. Donc, enfin, moi, cette semaine, m'a pas spécialement fait dire, ouais, ok, non, si. On est favori de l'Est, on est favori pour atteindre les finales NBA. Je suis pas en mode. T'es pas rassuré. Ouais, à un moment donné, je sais, parce que j'ai eu pas mal de discussions. La saison régulière, c'est pas la saison régulière qui compte, c'est les playoffs. Mais du coup, je me suis amusé à faire un petit check, tu vois, et à regarder les finalistes NBA. Et faire un petit truc justement sur les finalistes NBA et les champions NBA. Alors les finalistes NBA, en gros, t'as quasiment, 90% de chances d'aller en finale NBA quand t'as fini top 3. T'as 60-65% quand tu finis entre 1 et 2. Et quand tu finis top 3, t'as quasiment 90% d'aller en finale NBA. T'as, parce que forcément, t'as des dynamiques en fait. Et tu te cherches plus à un moment donné, tu domines. Tu vois, t'es pas en mode non, mais attends, l'équipe, machin, tu sais, là, on s'en fout de ce match. Non, en fait, c'est pas une question de s'en foutre. C'est une question qu'à un moment donné, tu dois gagner. Les gars des 3 Pistons, ils disent non, on est la meilleure équipe de l'Est. Et on montre qu'on est la meilleure équipe de l'Est et on gagne. Et c'est tout. Et c'est comme ça. Et en fait, le problème, c'est que du coup, nous, notre équipe, tu vois, actuellement, voilà, on est top 3, on est sorti, maintenant on est 4e, derrière Cleveland, même si on est repassé devant. Et donc, en fait, je me suis amusé à regarder ça, et ensuite, le vainqueur. Et quand, pour être champion NBA, top 1, top 2, champion NBA, c'est quasiment la norme. T'as du 3, mais par contre, après, au-delà du top 3, t'as pas de champion NBA. Il y a des équipes qui se faufilent jusqu'en finale NBA. On l'a vu avec les Pacers, on l'a vu avec les Knicks en 99, on l'a vu avec les Knicks il y a pas très longtemps non plus. voilà, ça reste à la avec marge, les Mavericks, en fait. Avec les Dallas Mavericks. Voilà, ça reste même à la marge. Si on est d'accord que la saison régulière versus les playoffs, c'est deux compétitions un peu différentes. Le fait de jouer en série, les mêmes équipes, les ajustements, tout ça, effectivement, ça change la donne. L'intensité, elle est plus forte en playoffs. Les matchs sont forcément accrochés. Les rotations sont plus courtes. Bon, il y a tout un tas de paramètres qui font que les playoffs ont un niveau supérieur à la régulière. Mais il faut quand même être bien classé, il faut quand même être bien placé, il faut quand même avoir sa dynamique, avoir quelques éléments qui rassurent. Alors oui, on a ressorti les parallèles de, rappelez-vous, la saison dernière, les Knicks s'étaient fait défoncer par les Boston Celtics, ils n'avaient pas gagné une fois, par les Cavs, ils n'avaient pas gagné une fois, et arrivé en playoff, eh ben, ça a changé. Oui, d'accord, ok, ça peut arriver. Est-ce qu'ils arriveront à refaire le coup systématiquement? Rien ne le garantit. Voilà, alors aujourd'hui, il n'y a que les Pistons qui ont ultra dominé les Knicks en régulière. On n'a pas encore joué tous nos matchs face à Cleveland, on n'a pas encore joué tous nos matchs face à Boston. Ça a été un bilan un peu plus équilibré. En tout cas, il n'y a pas que des défaites, et heureusement. Mais voilà, effectivement, on a l'impression des fois de voir les Knicks se chercher sur le terrain, chercher dans l'animation offensive, en défense, il y a des oublis, il y a des... Voilà. Et puis on te propose... Il y a des moments où, des moments où ça joue très bien, faut le dire. Et il y a des moments où, au contraire, on se dit, mais... Et puis, en fait, si tu veux, c'est que... On déjoue totalement, quoi. Tu vas avoir d'un match à l'autre, et pas même hier, hein, dans le match contre les Bulls, hein, d'un carton à l'autre, tu vas avoir, d'un coup, une équipe qui va montrer un visage... Enfin, il n'y a pas de constance. C'est inconstant, les Knicks. C'est irrégulier. Ces derniers temps, c'est irrégulier. Moi, une équipe, personnellement, qui va enchaîner toute une série de défaites, puis une série de victoires... Et là, actuellement, qui fait victoire, défaite. Pour moi, ben non, t'es pas à moi de... Ouais, ok, enfin... On n'est pas sûr de nos forces, en fait. Non, et regarde, au final, les Cleveland Cavaliers, qui étaient raillés en début de saison, ils ont perdu 5 matchs en 2026. 5 petits matchs en 22 ou 23 matchs jour. Ouais. 5 petits matchs. La dynamique matchs. Est meilleure, on est d'accord. Et là, forcément, t'arrives après, derrière, en play-off. Alors oui, les playoffs, c'est une autre paire de manches, mais n'empêche que la dynamique importe beaucoup. T'arrives en playoff, sûr de toi, sûr de tes forces, tu es sûr de tes forces, tu connais tes faiblesses et tu sais comment essayer de les atténuer. T'es pas en mode, non mais on apprend encore, non mais il faut qu'on travaille, non mais on est en progression. Non, putain, merde, tu vas arriver en mars, tu dois plus être en mode, non mais on enchaîne. Non, non, t'as eu 3 mois, 4 mois de compétition. T'as eu, maintenant, il reste 20 matchs à jouer. Normalement, tu te connais, tu sais où t'en es. Surtout que l'équipe n'a pas foncièrement changé. On a rajouté... Les coachs, quelques oui. ajustements sur le banc. Et encore, au-delà parce que... au-delà de ça, l'ossature principale, c'est... Je veux dire, le 5 de départ est le même que celui que l'année dernière. Hein, je veux dire, 4, OG, Hart, Mikal, JB, c'est le même. Hein, ils jouent tous ensemble, c'est toujours pareil. Donc, je veux dire, c'est pareil. En termes d'employés, de joueurs utilisés, on est effectivement sur les mêmes rotations. Et qui sort du banc, alors oui, on a eu les apports maintenant de Alvarado, mais qui sort du banc, bon là, il est blessé, Juice, Mitch, ils étaient là l'année dernière, Chamet, il était là l'année dernière. Donc non, en fait, on a une équipe qui a quand même un passif. Ok, d'accord, t'as un nouveau coach, mais t'as quand même une équipe qui, je veux dire, Jalen Brunson doit savoir comment joue Kat, Kat doit savoir comment jouent les coéquipiers, comment ils sont, comment... Normalement... Au bout de 2 ans où tu as joué ensemble, où tu fais des training camps, où tu passes du temps entre les mecs, ils doivent se connaître. Et si c'est pas le cas, bah c'est super inquiétant en fait. Donc, Forcé de constater que la connexion Brunson-Karl Anthony Towns, elle a jamais vraiment fonctionné. On la voit très peu. Il y a vraiment peu de connexion sur les matchs entre les deux. Est-ce que c'est ça le problème? Je sais pas. On disait qu'effectivement, l'ossature, le groupe. Globalement est le même, il a un an de vécu en plus, et justement Karl Anthony Towns en parlait lors d'une interview d'après-match, peut-être face aux Rockets, en lui demandant qu'est-ce qui a changé, en quoi l'équipe a progressé par rapport à l'an dernier. Il disait, bah on a plus de vécu ensemble. Ok, dans les faits, ouais, d'un point de vue durée de vie du groupe, ça fait plus longtemps qu'ils jouent ensemble. Est-ce qu'ils jouent mieux ensemble? C'est pas forcément criant. Hein, c'est pas forcément criant. Et fort heureusement, on a cette saison un Mitchell Robinson qui a pu jouer beaucoup plus de matchs que la saison dernière. Même s'il est back-to-back, il est toujours ménagé par rapport à ça. Et je pense que ça le sera jusqu'à je sais pas quand. Mais voilà, c'est pas ça qui influe sur le dispositif et sur le jeu. Au global, donc on avait 3 matchs la semaine dernière. Donc on a bien parlé de la défaite face aux Pistons. Je sais pas si tu voulais revenir sur quelques éléments sur la défaite face aux Pistons. C'était le match de reprise et de retour d'OG Anunoby. Il avait manqué 4 matchs avant le All-Star Break. Bon, un OG, pas des grands soirs sur sa première sortie. Ça s'est amélioré sur le reste de la semaine, heureusement. Un Mikal, pas non plus des grands soirs cette semaine, je serais tenté de dire. Mais ça, moi, c'est peut-être plus les éléments qui me dérangent, qui me gênent un petit peu. Alors, je ne suis pas le plus grand fan de Mikal. J'espère qu'il va performer pour faire gagner les Knicks, ça c'est certain. Mais quand je vois le chantier que nous a passé Kate Cunningham, je me dis que mince, les ailiers qui sont censés... Ah, les wingstoppers. Les verrouiller complètement. Les fameux wingstoppers. Ouais, qui sont censés être en mission sur ce genre de client, eh ben, ils n'ont pas répondu à la mission. Et même si on parle souvent de la défense de Karl Anthony Towns, même si on parle aussi des fois de la défense de Jalen Brunson, bah là, sur ce genre de match-up, c'est pas à Karl Anthony Towns, c'est pas à Jalen Brunson de s'en charger, quoi. Ouais. Et ça, là-dessus, c'est problématique. Alors, est-ce que ça sera mieux en play-off ? On verra. Est-ce que les Knicks rencontreront les Pistons en play-off ? On verra aussi. On n'en sait rien pour l'instant. En tout cas, il y a une marge de progression, c'est certain. Hausser le ton comme on a reçu le faire l'année dernière face à la paire Tatum et Jalen Brown, c'est tout ce qu'on espère. Ouais, après, mais attention, on cite beaucoup ce match des Boston. Ok, on prend les deux premiers matchs là-bas dans des scénarios rocambolesques, mais face aussi à un effectif des Boston Celtics dans lesquels on avait un Porzingis qui était out, dans lesquels on avait un Al-Horford moyen, un Jrue Holiday qui était en délicatesse avec sa santé. Donc on cite toujours, et à juste titre pourquoi pas, de dire regardez Boston l'année dernière, on les a tapés. Mais après derrière ils perdent Tatum et malgré sans Tatum à un moment donné ils nous en collent une énorme. Moi ce match je le prends toujours avec des pincettes, et puis après derrière quand on affronte Indiana au complet, ah ben là on s'est fait bouger quoi. Donc les playoffs de l'année dernière, oui ça a été un beau parcours. Détroit on le prend et il y a eu quand même des discussions et des décisions arbitrales plus ou moins en notre faveur, on va pas se cacher. Cette série contre Boston, voilà, et puis derrière on se fait péter par Indiana. Donc mais est-ce que c'est pas justement un mal pour un bien d'avoir vécu cette campagne de playoffs l'an dernier qui a rassuré d'une certaine façon les capacités des Knicks à élever leur niveau de jeu et de se dire, parce que c'est des joueurs qui ont de l'expérience, qui savent que la saison régulière, la saison NBA, c'est un marathon, c'est long, oui, ça arrive de perdre des matchs, oui, ça arrive de se faire dominer, oui, ça arrive de pas bien jouer, de pas jouer son meilleur basket, mais on a la capacité à accélérer, on a la capacité. Est-ce qu'ils se disent pas ça inconsciemment, même si le match, ils l'ont pas pris à la légère, on peut pas dire que voilà, ils ont pris les Pistons à la légère, comme ils auraient pris les Bulls à la légère ou autre. Je pense que chaque joueur dispute son match dans les meilleures conditions de préparation qu'il peut avoir sur le moment T. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas au fond de leur esprit cet aspect oui, les playoffs, ça va arriver, c'est là qu'il faudra être prêt, c'est là qu'il faudra hausser le ton, c'est là qu'il faudra être irréprochable. Je sais pas. Je sais pas s'il n'y a pas cet aspect un peu inconscient de se dire ouais, alors, on arrive en forme. C'est pas la bonne façon de voir les choses, hein. De se dire les playoffs, les playoffs on se réserve et puis on verra. Je sais pas qu'ils se réservent, mais ils connaissent leur capacité à faire mieux encore en playoff, à dépasser, à se surpasser en playoff. Si c'est ça la vision, je la partage pas. Non, je dis pas que c'est peut-être l'inconscient. Dans l'inconscient du groupe. Dans ces cas, ça fait une équipe qui gagnera pas. Si dans ton inconscient, en fait, tu te dis non, mais c'est bon. Quand tu mises trop sur toi en te disant, c'est bon, en playoff, ça veut dire que tu te surestimes énormément ou alors tu sous-estimes les autres. Et tu te dis que finalement, sur ton talent, ça va passer? Ouais, non, je... J'ai pas l'impression, tu vois, que... J'ai pas l'impression qu'un mec par exemple, comme Kobe Bryant, ça aurait été sa façon de penser, tu vois. De se dire, non, mais en playoff, t'inquiète. En playoff, on va monter le niveau de jeu. T'inquiète pas, on te prépare un petit truc. Souvent, les gens qui tiennent des discours comme ça, ça fait du flop derrière. Donc, À voir. Ouais. À voir. En tout cas, Rockets Bulls. Ouais, du coup, les Rockets, KD qui est arrivé dans une situation déjà un petit peu compliquée pour lui avec tout ce qui s'est passé en dehors. Alors, il y a la petite période de chambrage avec Papa Brunson et Kevin sur, sur le bord terrain en disant « Je sais que c'était ton compte ». Ouais. Bon, en tout cas, KD, qui a mené la vie d'Uronix comme souvent, mais KD qui est reparti victorieux au Garden. C'est un match, on revient de loin d'une certaine façon. Mais un match où on a un certain Karl Anthony Towns qui a quand même donné le ton à un moment donné. Sur cette semaine, on le voit quand même plus impliqué offensivement. Alors, est-ce qu'il y a un changement dans le jeu? C'est pas évident. Semble-t-il, on aurait simplifié l'attaque pour qu'il s'y retrouve mieux. En tout cas, statistiquement, on le retrouve plus. Ça, c'est sûr. D'un point de vue prise d'initiative au shoot, on le retrouve plus aussi. Et puis, d'un point de vue production statistique, globalement, il revient un peu dans ses standards. Ouais, est-ce que c'est un des grands hommes de ce comeback, Karl Anthony Towns, avec peut-être un certain GTA V José Alvarado qui s'est illustré aussi en fin de rencontre, au détriment d'un Mikal qui a été benché. Le quatrième quart-temps, hein, tu gagnes 15-33. Oui, tu dis Mikal a été benché, ouais, ça c'est quand même une donnée importante. Hein. T'as Landry Shamet aussi qui a été important, qui a mis Thibon Binette assez importante. Jalen Brunson qui était dedans durant tout le match et puis qui se réveille dans le quatrième quart. Beaucoup de passages, il a provoqué beaucoup de passages en force. Il en a provoqué trois. Sur les charges, alors je sais plus combien sur ce match, mais en tout cas, oui, il en a remis encore. Il en a provoqué. Un sur KD à la fin. Ouais, important celui-là. Celui-là, hyper important. Un clutch, un stop défensif à base de passage en force, faut oser quoi. Et puis il a marqué deux paniers importants dans le clutch, comme d'hab. Le joueur qu'on pourrait dire c'était Josh Hart aussi qui est pas comme Mikal en ce moment, pas fou. Six passes sur bon sur ce match face aux Rockets. Bon, il a eu du mal hein, sur KD aussi hein, en même temps. Qui n'a pas du mal sur KD? C'est pas le seul à avoir du mal. Il n'a pas du mal. C'est tout. Après voilà. Mais écoute, on s'en sort et puis on arrive à prendre ce match. Ça aurait fait tâche de faire deux défaites consécutives à la maison. On était pas loin de mal tourner cette histoire. Et puis le 3 points que lâche KD, tu te dis bon allez maintenant ça va se diriger. C'est fini. Oh non. Oh ce 3 points tête de... Il doit être un mètre derrière la raquette. Quand il prend le 3 points là, et ça fait filoche. Je veux dire, ça mise en jeu, catch and shoot, voilà. Incroyable. Heureusement que OG ne va pas faire faute, mais ça se joue à rien. Bon, c'était l'ambiance, l'atmosphère playoff, même s'il y a le comeback là qui est. On joue avec le feu, on joue beaucoup sur cette capacité, et c'est en ça où je dis, les Knicks savent qu'ils ont ça en réserve. Mais ça marchera pas à tous les coups et c'est se mettre en danger, c'est compliqué quoi. Et alors face aux Bulls, ça sentait le match piège. Bon, les Bulls étaient aussi en back-to-back. C'est un dispositif de joueurs, on sait pas trop qui on va affronter quand on joue les Bulls maintenant. Bon, qu'est-ce que les coachs avaient moins scouté tout ça. Mais finalement, les Bulls ont causé des soucis, ont mené la vie dure à Senix pendant une bonne partie de la rencontre. Ça s'est décanté sur la fin, mais ça a été compliqué, ça a été long. Est-ce que c'est inquiétant de ne pas voir les Knicks capables de sécuriser en back-to-back un succès, même en déplacement, à Chicago quoi. On avait perdu contre eux, je crois, en Cup. C'était les grands Bulls de l'époque avec Vucevic, avec Kobe White, voilà. Bon, il n'y avait pas Mitch. Il n'y avait pas Mitch, certes. Luke Porty s'est un peu plus montré. On a vu un peu Sohan, mais voilà. On a vu Alvarado qui quand il a des tirs, il les prend. Hein. Quand il y a des tirs, il les prend. Les pourcentages, des fois, Alvarado, sur ce match, il est à 1 sur 6 à 3 points. Il s'est fait plaisir. Il a autant shooté à 3 points que Jalen Brunson. Bon. Ouais, autant, non. Oui. Ce match, enfin, comme je te dis, cette semaine, on est à 2-1. Hein. On est à 2-1, c'est bien. Mm. Mais cette semaine m'a pas... On aurait pu être à 3-0. M'a pas... Enfin, 0-3. M'a pas spécialement dit... Ouais, on est contender, quoi. La saison des Knicks, en règle générale, tu vois, enfin, c'est pas... On en a parlé la semaine dernière, on n'est pas dans une équipe qui domine et on le sera pas. Et c'est en fait en ça où je me dis, par rapport en fait à ta pensée, enfin, où tu te dis, bah tiens, les joueurs, ils se disent qu'ils ont ça entre eux, mais que quand en fait t'es dans une telle inconstance, comment tu peux te dire, non mais c'est bon, on va y arriver, on va monter notre niveau de jeu, mais quand t'arrives à être dans une telle inconstance, et que le match contre les Bulls se décide sur la fin, et même à un moment donné, hein, ils nous passent devant. Ils nous passent devant. Hein. Je me suis un peu attardé durant le match, regarder un peu notre défense sur la ligne. On a tendance vraiment à vouloir surcharger la raquette. Et en fait, bah, du coup, on est toujours en retard sur le shooter à 3. Et hier, le match, on a pas une bonne adresse. On n'a pas du tout une bonne adresse. Le premier carton est désastreux en termes d'adresse. Et ben en fait, quand notre équipe elle met dedans parce que ben, tu te défends mal à la ligne, ben, tu te retrouves rapidement dans la panade, quoi. Donc, bon, écoute, non, on l'a gagné. Ça faisait partie des matchs qu'il fallait gagner. On l'a gagné. Parce qu'après, on a des joueurs qui, ben, intrinsèquement, sont plus talentueux que ceux des Chicago Bulls. Mais c'est un match que tu dois prendre à la mi-temps. Tu fais OK, c'est fini, quoi. Mais là, ben non, en fait. Et t'as du garbage, et tu peux faire le mot Diawara. À la mi-temps, t'es mené. Pas parce qu'il est plus là, mais... À la mi-temps, t'es mené d'un point. Tu fais un bon début de troisième, mais quand même, après, il recolle, il te repasse devant. Alors que tu te dis, bon, allez, le troisième carton, ça y est, on l'a vu, les Knicks prennent 10 points d'avance, ça va. Ça y est, le rouleau compresseur. Le rouleau compresseur est lancé, pas du tout. Ce match, hier, en plus, c'était vraiment pas très beau à voir. Enfin, beaucoup de déchets à un moment donné, ça a été... Il y a eu pas mal de séquences. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Il y a eu pas mal de séquences qui auraient pu rentrer à l'époque là, dans les VHS, le basket en folie, quoi. C'était un peu n'importe quoi. Donc, voilà. Bon, écoute, on a gagné, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. A win is a win. Bon, après cette semaine, mi-fig, mi-raisin, on va quand même essayer de désigner un joueur de la semaine. Mais il y a quand même un joueur qui s'est qui s'est détaché. Oui. Cette semaine quand même. Plusieurs d'une certaine façon. Plusieurs. Bon, notre ami Jalen Brunson, il a connu quand même des demi-matchs un peu compliqués. Donc il va devoir encore attendre un petit peu de JB pour retrouver ce titre honorifique qu'on essaye de décerner tous les lundis. OG, c'était son retour. On l'attendait, son retour. Mais c'est pas encore un retour au top de sa forme. Donc il va devoir attendre. Mikal, on lui en avait décerné un à titre d'encouragement. Je crois qu'il l'a pas reçu. Hein, il l'a pas reçu, il veut pas, je sais pas. Moi, le Mikal, plus ça va, moins ça va. Hein. Et on parlera Mikal, pas des 5 picks de draft. Il a une bonne gueule de prétendant au départ cet été, le Mikal. Bon, son tour viendra, on fera le bilan. Hein, on fera le bilan à un moment donné, on mettra des notes, on sortira les tablettes. On fera calmement. Mais c'est compliqué. Bon, Badius, Sohan, bon, on repassera. Alvarado, c'était bien la semaine dernière. Mais parce qu'il y avait qu'un match, enfin ou deux, il n'y avait pas beaucoup de matchs. Donc là, cette semaine, bon, bah, on voit qu'il y a effectivement du haut et des bas, même s'il apporte de l'énergie, s'il apporte de la défense, ça va être un peu juste. Mitch, bah, back-to-back, il joue que la moitié des matchs. Hein. Donc, qui c'est qui nous reste dans tout ça? Josh Hart, bof. Non, bof, pas la meilleure semaine pour Josh Hart. Landry Shamet. On a pensé à Landry Shamet, parce que Landry Shamet, faut le dire, en ce moment, il a son apport en sortie de banc. il a cette forme de régularité. Là où tu évoquais le fait que les Knicks sont inconstants, eh ben, sur la semaine, on a un Landry Shamet à 15 points dans la défaite face aux Rockets. Face aux Pistons, pardon. Lapsus. Face aux Rockets, il a 14 points. Et face aux Bulls, cette nuit, il a 16 points, avec des pourcentages plutôt très honnêtes, hein, 50% à 3 points, 5 sur 9 au shoot, une belle présence défensive, même s'il y a des fautes, mais en tout cas, il se la donne en défense, malgré son physique qui n'est pas forcément tout le temps à son avantage par rapport au match-up. Donc on avait sérieusement pensé à Landry Shamet, et puis finalement, on a opté pour un autre joueur, hein, je crois qu'il n'a pas reçu encore cet honneur de notre part. Et ça sera cette semaine, ça sera Karl-Anthony Towns. Il a eu le droit de recevoir son casque d'ouvrier du bâtiment, ouais. Sa paire de Timberland en taille 65, son gilet triple XL orange. Bah oui, déjà, si ses coéquipiers reconnaissent son implication défensive, c'est dire s'il y a du mieux chez Karl-Anthony Towns. Oui. Non, sérieusement, au-delà de la blagounette sur son implication défensive qui a été mieux par séquence, clairement, offensivement, on sent une volonté, en tout cas, d'être plus impliqué, d'être plus impactant dans le jeu. Là encore, en interview d'après-match face aux Rockets, il discutait avec la bande, alors c'est plus TNT, mais de Shaq, Barclay et compagnie. Shaq qui disait « Non, mais tu dois être dominant, tu dois être un killer, tout ça. » Et après, il y a Shaq ou Kenny Smith qui disait « Non, mais de toute façon, c'est pas ce type de joueur. C'est un gentil, Karl-Anthony Towns. » On le sait, hein, c'est un chat mignon qui peut griffer parfois, mais souvent, il est gentil. Et oui, il faut qu'il prenne plus ses responsabilités dans le jeu. Et offensivement, il doit plus peser parce que c'est l'option numéro 2 de l'équipe, de toute façon. Les Knicks n'iront pas loin en playoff s'il n'y a que Jalen Brunson avec sa cape de super-héros qui doit porter encore toute l'équipe sur son dos. Il y aura forcément besoin d'avoir un relais régulier, fiable. Et jusqu'à présent, le début de saison de Karl-Anthony Towns, c'était pas ça. Il y avait trop de bas et pas assez de haut. Donc là, il a montré une semaine en tout cas mieux. Alors, on regrette la défaite face aux Pistons, mais au-delà de ça, les deux sorties coup sur coup face aux Rockets et aux Bulls, il y avait quand même du mieux et des moments où il a pris ses responsabilités et il termine meilleur marqueur cette nuit face aux Bulls et il est également meilleur marqueur dans la rencontre face aux Rockets. Face aux Pistons, non, c'est JB avec 33 points. Mais voilà. Donc pour une fois, Kat, elle est pour toi. Charge à toi de nous prouver que tu es capable de continuer à en faire autant sur les semaines à venir, parce qu'il y a d'autres matchs de test plutôt intéressants qui arrivent. Mais voilà, il y a. Faisait un moment que monsieur Charles-Anthony Ville n'avait pas été le meilleur marqueur d'un match. Là, donc, il a été coup sur coup contre Houston et Chicago. Mais tu sais, la dernière fois qu'il a été le meilleur marqueur, c'était contre qui ? Ça remonte. Je sais pas contre quelle équipe, mais ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Ouais, c'était contre Dallas le 19 janvier. Et pareil, il avait fait un coup sur coup. Phoenix-Dallas, il avait fait 23 et 22 points. Coup sur coup, et là c'est pareil, donc ça remonte à il y a plus d'un mois d'être le meilleur marqueur de. Mais c'est à l'image de l'équipe, une équipe qui se cherche dans le jeu alors que les joueurs sont censés se connaître. Mais Karl-Anthony Towns, depuis le début, même avant le lancement de la saison, disait qu'il savait pas trop où était sa place, tout ça, ça c'était des éléments inquiétants. Ouais, ça, c'est... Il a discuté avec le coach, le All-Star est passé, il a fait un bisou avec sa fiancée, tout ça, c'est bon, il est un peu plus tranquille, serein. Je sais pas, il y a peut-être un truc qui l'a apaisé après la trade deadline de All-Star Break. Espérons que ça dure le plus longtemps possible avec Karl-Anthony Towns. Quand il nous met ses trois, bah, c'est toujours des choses qu'on prend avec un grand plaisir. Mais voilà, il y aura besoin de lui. Et oui, sa défense, elle sera toujours critiquée et critiquable. Son retard en défense, je pense pas qu'on le gommera du jour au lendemain, et voire on le gommera peut-être jamais. Mais au moins, s'il peut peser offensivement, parce que c'est une menace offensive, sa qualité de passe aussi qui est très bonne, là, on aura vraiment un stretch 5, parce que faut faire le deuil de l'association Mitch, Kat, en association principale. Au bout de deux saisons, on le voit, c'est pas ça qui est mis en place par les coachs. Est-ce que c'est pas qu'une question de Thibodeau ? Mike Brown, visiblement, fait pas plus d'associations. Il y en a par moment, mais c'est très peu. Donc voilà, Karl-Anthony Towns, c'est le pivot, c'est le stretch 5. Du coup, comme tu stretches, vas-y, attaque au large aussi. Ouais, et on a tendance à dire qu'il est fort avec les faibles, faible avec les forts. bon, dans sa confrontation avec Şengün sur le match face aux Rockets, il s'en sort pas trop mal, quoi. Donc voilà, belle semaine pour Kat, à voir s'il arrive à confirmer. Tu veux lui laisser un petit message de plus, un petit miaou? Bravo. Bravo Kat, continue. Et peut-être qu'on te tradera pas tout de suite. Ah, on verra, c'est une autre histoire. Non, allez. Kat, c'est pas... Enfin, évidemment, mais... Pour moi... Toi, t'aimes pas les chats, tu préfères les chiens. Et je pense que c'est... Non, je suis plus chat. Il y a mon gros chat qui dort derrière. Moi, je suis plus chat que chien. En même temps, tu me diras, un appartement, avoir un chien, c'est compliqué. Mais disons qu'il y a d'autres dossiers. C'est sûr que le sien fait partie quand même sur le dessus de la pile. La pile. Mais comme d'autres, en fait, comme certains, comme Monsieur Pont. Voilà, il y a Monsieur Ville et Monsieur Pont. Monsieur Dupont. Monsieur Dupont. Voilà, donc il y a certains... On a des dossiers qui se réouvriront très prochainement, bien sûr. Voilà. Bon, sur ce, nous, on a terminé avec cette rétrospective. On lance le petit jingle et on regarde ce qui se présente. Michel Pont et Charles-Henri Ville. Charles-Ville. Michel Pont et Charles-Ville. Alors, allez, on en reparle. Et ben voilà, une semaine de passé, une autre semaine à reprendre. C'est tout simple. C'est ça la NBA, ça dure encore un petit moment. Ben, profitons du voyage. Et je sais pas toi. Jusqu'au printemps, jusqu'à l'été. Mais la pause du All-Star, tu sais, j'ai. Ça fait du bien. Physiquement, non, pour le métabolisme. Non, mais... Je sais pas pour mon teint, mais. Non, mais que quand ça a repris la NBA, j'avais l'impression que ça faisait une éternité, qu'il n'y avait pas eu de. Alors que finalement, la pause, c'était quoi? C'était même pas une semaine. Mais une bonne semaine, ouais. Mais j'ai l'impression que ça faisait des mois. Ma femme, elle me dit, ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours. Il y a toujours de la NBA. Non, elle me dit, je crois que j'ai toujours l'impression qu'il y a toujours de la NBA. Parce que je lui dis, putain, j'ai l'impression que ça fait 400 ans qu'il n'y a pas eu des matchs des Knicks, quoi. Tu vois, je trouvais ça super long. Et j'avoue que les back-to-back, le premier back-to-back à enchaîner, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Alors imagine les joueurs, c'est toi, c'est dur à enchaîner. Ils sont pas en décalage horaire, en principe. Mais bon. Mais moi, je veux bien être joueur NBA avec un salaire et tout, pas de problème. Moi aussi, hein. Bon, allez, eh ben, ça n'arrivera pas. Nous, on va encore raconter nos impressions, parce que c'est que des impressions, finalement, sur les Knicks. Et sur cette conférence Est qui a un petit peu rebougé, il y a un petit peu de mouvement dans le classement. Bon, Détroit toujours en tête, hein. Je pense qu'à ce rythme-là, une belle petite longueur d'avance quand même sur le numéro 2, qui est aujourd'hui les Boston Celtics. Tatum ou pas Tatum? Il y avait des bruits de couloir. Il reprendrait le chemin de la compétition. Je pense qu'il reprendra. Ouais, en playoff. Ouais. Okay. Ouais. Bon, à voir courant mars, hein, pour se remettre un peu en jambes. Peut-être genre les trois derniers matchs. Pour ensuite être prêt. Ouais, peut-être même un peu avant, histoire de prendre un peu du rythme, je sais pas. Mais en tout cas, ils sont solidement installés en place numéro 2. À voir si il y aura encore du mouvement d'ici là. D'ici là, quoi? Eh ben, les Knicks, est-ce qu'ils vont consolider? Ils vont baisser? Ils vont remonter? On ne sait pas, on se demande. En tout cas, ils sont installés pour l'instant en 3e place. Il y avait un petit glissement dans le classement avec les Cavs qui étaient repassés devant. Les Cavs qui se sont inclinés face à OKC sans SGA, mais avec quand même une équipe d'OKC qui est toujours... Jalen Williams, ouais. Jalen Williams, ouais. Il n'était pas là non plus. Donc leur numéro 1 et leur numéro 2 n'étaient pas là. Et ils tapent quand même les Cleveland Cavaliers. Et c'était à Cleveland ou à Oklahoma? Non, je crois que c'était à Oklahoma, je le crois. Bon, c'était en tout cas dans une arène NBA. Et pour preuve, les Cavaliers ont eu raison. En tout cas, ensuite, oui, on a joué. Les Canadiens qui sont sont tristes d'avoir perdu en hockey face aux Américains. Et les Canadiens, ils sont 5e aujourd'hui de cette conférence Est. Une belle saison pour eux. À voir ce que ça donne arrivé au printemps. Les Sixers toujours en embuscade, 6e. Ensuite, notre groupe, Gruppetto. Le Gruppetto, ouais. Avec le Gruppetto. Les deux équipes floridiennes que sont le Magic, suivi du Heat. Finalement, le Magic, on attendait une belle saison. Bah, c'est moyennasse, quoi. C'est moyennasse. Les Hawks, avec tous leurs trades, ben, ils sont toujours campés à cette 9e place. Et puis les Charlotte Hornets qui ont fait une belle remontée et qui sont pour l'instant installés avec une petite longueur d'avance, avec 3 victoires de plus que leur 11e et Milwaukee Bucks de poursuivant. Giannis, je ne sais pas s'il reviendra cette saison ou pas. Voilà, maintenant. Voilà. Il reste. Il reste 20 matchs à faire. À faire un écart de 3, ouais, je sais, des confrontations directes. Les dynamiques sont trop probables. Les dynamiques sont vraiment différentes entre les deux équipes. Même si Charlotte a connu la 2 défaites consécutives, même s'ils ont gagné là récemment, cette nuit. Mais post All-Star, ouais, ils reviennent avec un bilan de deux défaites pour une victoire. Mais n'empêche que ça n'a rien à voir au niveau des dynamiques. Là, on a Charlotte qui est quand même. Pour moi, là, qui est lancé pour finir un play-in. Ouais. Et ça serait une saison réussie pour eux d'accrocher au moins un spot en play-in. Ça ferait un début de progression. Avec voir s'ils arrivent à consolider derrière. Quoi. Avec un bon rookie, là, Kent Knuppel, qui fait l'unanimité. Va pourquoi pas décrocher dans quelques dizaines de 3 points près le plus grand nombre de 3 points inscrits par un rookie. Donc. Voilà, il aura de quoi inscrire son nom dans les livres d'histoire de la NBA. Tu sais, J'ai vu passer ça sur Bean, sur NBA Extra l'autre jour. C'est pas Del Curry, c'est pas Steph Curry. Je sais plus quel était l'autre rookie. C'est peut-être pas un Kyrie, non ? Tu l'as le nom ? Non, je sais pas. Non, c'était du bon. On le retrouvera. Mais en tout cas, voilà, il est plus très très loin de passer ce record. Non, Steph Curry, bien sûr, détenteur du record avec plus de 403 points inscrits sur une saison régulière pour un rookie. Bon, puis on parlera pas des dernières équipes, voilà, ça ne nous intéresse plus. À l'ouest, on a qui ? Bah, OKC, hein, deuxième de la ligue, 44-14, bien suivi par San Antonio. Qui sont sur 8 victoires consécutives, c'est l'équipe là en forme du moment, et sur un 9-1 sur les 10 derniers matchs. Pas mal. Hein. Attention danger. Alerte à l'alien. Les Denver Nuggets, 36-22. Ça va pas fort en ce moment. En ce moment, ça va pas stagne. Et hier, ils perdent contre une équipe de remplaçants des Warriors. Les Warriors privés de tous leurs meilleurs joueurs. Et ils arrivent à perdre et à bien perdre en plus contre eux. Donc ouais, en ce moment, Denver, c'est pas top du tout. Malgré le fait que Jokic est sorti un énorme triple-double, ça n'a pas été... Il reste toujours troisième de cette conférence. Mais voilà, ouais, on pourra se poser des questions. Est-ce que c'est réussi ou pas ? Sur les 10 derniers matchs, ils sont sur 4 victoires pour 6 défaites. Denver. Donc, c'est pas... Ah bon. Difficile de sortir un MVP dans cette histoire. Bon, bref, ça c'était une petite boutade. Houston, quatrième. On les a rencontrés il n'y a pas longtemps. Allo Houston, on a un problème. Ils sont toujours quatrième. Les Lakers, cinquième, à une défaite de plus. Suivi de Minnesota, les Loups. Ouais. Qui sont aussi un peu irréguliers. Les Suns, plutôt une bonne réussite pour l'instant sur leur saison. Ils sont septième. Il leur manque Booker en ce moment et ça se sent. Ça se sent. Eux pareil. Mais malgré ça, après le fiasco de la saison dernière, on a tendance à oublier que Bradley Beal a basculé de Phoenix aux Clippers. Et puis qu'aux Clippers, il s'est blessé et la saison s'est terminée. Mais effectivement, ils sont passés d'un trio Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant, qui n'a rien fait à Phoenix pour finalement mieux s'en sortir sur cette saison. Comme quoi, des fois, l'empilement de noms fait pas tout. Les Warriors, 8e. Les Blazers, les Clippers, qui sont dans le play-in, et puis suivi du gros groupetto des Grizzlies, des Mavs, du Jazz, des Pelicans et des Sacramento Kings. Qui sont sur 16 défaites consécutives. 10, ils ont un bilan sur les 10 derniers matchs de 0-10. C'est cataclysmique. Après, on n'a jamais vu après, un dans leur, tank. Après, dans leur, dans leur, après, dans leur logique de tanking, c'est cool pour eux. Hein. Mais comme c'est cool pour eux depuis quand même pas mal de temps maintenant d'être dans une logique de tanking. Sabonis a jeté l'éponge. Ouais. Levine aussi, je crois. Il y a des histoires de blessures, d'opérations. Alors après, c'est vrai que la satisfaction, c'est Maxime Reynaud qui qui peut s'exprimer, qui a eu tant de jeux, qui peut s'exprimer. Mais c'est toujours pareil, quelle est la valeur, comme pour les points marqués par Gershon, quelle est la valeur de ces statistiques-là dans des équipes en fait où on te dit, écoute, vas-y, fais-toi plaisir, lâche-toi, prends les tirs que tu veux, fais les trucs que tu veux, de toute façon, voilà, t'es... Vas-y mon gars, tu vois, où il n'y a pas de pression de résultat, quelle est la réelle valeur de ces statistiques-là? Mais ça leur permet au mec de bouger, de jouer, de se montrer. C'est ça. Donc, ça reste de l'expérience NBA qui est emmagasinée. Mais disons que tu n'as pas le truc de te dire, tu vois, de te cadrer, de te dire non, là, machin. Là, c'est du open bar, quoi. C'est du open bar, tu peux y aller mon gars. Tu rates pas, ça n'est pas grave, quoi. Et je repensais à ça dans le cataclysme des Sacramento Kings. Il y a même un Russell Westbrook qui était MVP il y a quelques années de ça et qui a une fin de carrière qui n'avait pas trouvé, on va dire, d'autres équipes intéressées que les Kings. Tout ça pour ça, tout ça pour ça. Est-ce que lui ne serait pas un candidat aussi cette saison pour en fin d'année dire bon, bah, c'était ma dernière année. Jette éponge comme Chris Paul. Ben ouais, non mais là quand tu vois comme tu dis, quand tu vois sa fin de carrière à Westbrook, c'est tu passes de mauvais truc à mauvais truc. Il part, il va aux Lakers, non, ça, pas ça, qu'il ça soit mal. Non, spécialement mais... critiquable dans son jeu, hein, il a été mais... au Nuggets sa saison dernière, je crois, mais ça en fait pas trop mal passé, mais ouais, mais ça sent la fin passé, mais il a pas été conservé, quoi. Donc, tu vois, et maintenant, après, t'as écumé les trucs. Quand t'es parti aux Lakers, ça s'est pas passé comme il faut. Il est parti aux Clippers, ça s'est bien passé, mais il reste pas aux Clippers. S'il va à Denver, c'est bien. Et après, enfin, sa fin de carrière, elle est. Comme on dit, c'est vrai que souvent, les sorties comme ça des grands joueurs, les sorties de carrière, les fins de carrière, c'est souvent un peu cracra, un peu. Ouais, ça commence à faire beaucoup d'équipes, hein, pour le Russ. Voilà. Le paysage de la NBA en cette fin de mois de février. On arrive sur le mois de mars, je vous le rappelle. Et donc cette semaine, 3 matchs au programme, 2 matchs à l'extérieur. Bah oui, il va falloir prendre des petites valises. Et un match à domicile, 2 matchs contre des équipes de l'Est, 1 match contre une équipe de l'Ouest. Oui. Et encore une fois, une semaine qui va démarrer... sur les chapeaux de roue, là, le déplacement chez les Cleveland Cavaliers dans la nuit de mardi à mercredi, 1h30, hein, pour nous, heure française. Si vous vous déplacez directement à Cleveland, ça sera à 19h30, mais bon, il faut faire le voyage. En tout cas, voilà, premier match de la semaine. Ensuite, toujours un déplacement, 2 jours plus tard, on se déplace dans le Wisconsin. Finalement, c'est dans à peu près le même secteur géographique du nord, du Middle East américain, hein. On est à peu près dans le même coin. Il n'y aura pas trop d'heures de route. Et ça sera dans la nuit de vendredi à samedi, avant un pseudo back-to-back, parce qu'effectivement, les Knicks vont jouer vendredi soir et ils vont rejouer quand ? Bah, dimanche midi, matin, après-midi. Et pour nous, à heure française. Et pour nous, heure française en soirée. À heure française, ils jouent samedi à 2h du matin à heure française. Et on les retrouve le dimanche à 19h à heure française. Donc en fait, on a les Knicks qui jouent le samedi et qui jouent le dimanche. Donc c'est vrai que pour nous, ça peut être assimilé. On aura un air de back-to-back. Et donc pour la réception de qui ça ? Les San Antonio Spurs. Qui ça ? L'affiche. l'affiche de notre viewing party de la semaine. Bon, ça fait un bon petit programme quand même, hein. Les Bucks au milieu, ça permet peut-être de souffler. Peut-être. On a vu que contre les Bulls, on souffle pas vraiment. Mais autrement, on a 2 beaux matchs face à des équipes compétitives, des équipes playoffables, bien sûr. Un concurrent direct en la personne des Cleveland Cavaliers, qui se sont renforcés avec James Harden. Et puis les Spurs, bah voilà, il y a une petite histoire qui est en train de se faire depuis Vegas. Et puis, tout simplement, une équipe qui est numéro 2 de la Conférence Ouest, qui est dans une très bonne dynamique. Wemby qui aura sûrement envie de marquer son passage encore au Madison Square Garden. Voilà, donc ça fait une belle petite semaine quand même. Ouais. Seb, tu nous donnes ces dynamiques un petit peu de ces équipes. Est-ce qu'il y a des blessés? Ça gagne, ça perd. Bon, on a parlé des classements, mais c'était quoi leur dernier match? Et comment elles vont ces 3 équipes-là? Alors Cleveland, pour l'instant, en seule absence à Max Strus, le professeur Strus, le docteur Strus. Donc lui n'est pas là, sinon l'équipe est au complet. On l'a dit, hein, Cleveland c'est une équipe qui marche fort. Voilà, ils ont perdu contre Oklahoma City, donc du coup en 2026 ça arrive. Ça du coup en 2026 ça amène à 6 défaites en 23 matchs. Mais sinon, bah, jusqu'à présent, ils étaient sur une série de 7 victoires consécutives. Bon, après, voilà, dans ces 7 victoires, il y avait Charlotte, il y avait Brooklyn, il y avait Washington, il y avait Sacramento. Voilà, donc bon. À relativiser aussi, mais c'est des matchs à gagner. C'est des matchs que nous, on peut perdre. Donc, voilà. On a finalement une association, Donovan Mitchell, James Harden, qui a l'air de fonctionner. On a un Allen qui est toujours là, qui est toujours présent, qui ben, marche bien lui aussi. Voilà, donc Evan Mobley, tout le monde est là, l'équipe est présente et l'équipe est au complète. Donc grosse équipe et gros match en perspective. Un bon match en test. Ouais. Alors, ensuite, chez les dingues de Milwaukee. Les dingues. Oui, les bambis, voilà. C'est mignon, un dain, c'est pour ceux mignon. Qui aiment les confiseries, il y a du dain aussi qui se mange. C'est vrai. Le McFlurry au dain, à conseiller. Ah, en version McFlurry. On ne se refuse rien. Donc, Giannis forcément out. Torian Prince out. Ah oui, si, au niveau du calendrier, est-ce que. J'ai pas checké, mais est-ce que les Cavaliers. Est-ce qu'ils jouent avant nous? Est-ce qu'ils jouent avant nous? Exactement. Alors, je te dis ça tout de suite. Non, ils jouent les Knicks, comme nous. On les joue voilà, prochainement. Ils se reposent, ils seront prêts au combat. Et d'ailleurs, comme nous, ils enchaînent derrière avec Milwaukee, d'ailleurs, comme nous. Tiens donc. Ouais. Ils nous suivent, en fait. On peut faire du covoit, peut-être. on peut partager, exactement. On peut proposer, quoi. Écoute, moi, je prends en charge l'essence. Toi, tu fais le péage. On voit ça, on s'arrange. Souvent du kérosène, mais j'ai vu que Jalen Brunson et Donovan Mitchell avaient l'air de bien s'entendre lors du All-Star Weekend. Donc bon. Jalen Brunson, j'ai l'impression qu'il y a une vraie connivence avec Tyrese Maxey. T'as remarqué ça aussi ou pas? Quand ça se joue contre les Sixers, ça papote après match, ça se dit des trucs, ça rigole. Pendant on a une équipe de bons gars, c'est pour ça, c'est normal. Pendant le All-Star Game, ça a rigolé. Je trouve qu'il y a une petite connexion, je sais pas par rapport à quoi, mais en tout cas, ça a l'air de s'apprécier. Voilà, bon. Tant mieux. Après, pourquoi ils se disputeraient hein, si mais... c'est pour mieux les taper en playoff, moi, j'ai pas de problème avec ça. Alors, donc, Giannis est out. Giannis est out. Il est toujours à Milwaukee, lui. Ouais, il est toujours à Milwaukee. Bah, selon les paris, ouais, pour l'instant, ouais, il est toujours à Milwaukee. Torian Prince n'est pas là. Bon, eux, au niveau de leur calendrier, bah écoute, au niveau de leur calendrier, tu vois, je dis bah eux. Mais bon, ils ont perdu contre Toronto, mais ils avaient enchaîné 3 victoires consécutives, dont une victoire de prestige contre Oklahoma City. Ils avaient perdu une double confrontation. Dans une double confrontation contre Orlando, ils avaient fait victoire et défaite. Avant ça, ils avaient aussi fait 3 victoires consécutives. Donc sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sur les 9 derniers matchs, ils sont en 7 victoires pour 3 défaites. Bilan plus qu'honorable. Et sans Giannis. Le problème, c'est Giannis, je veux dire. Ils ont le petit Rollins, ils ont Cam Thomas. Ils ont Ousmane Dieng. Bon, okay. Après, là, je sais pas trop ce que ça a donné. Ils ont Bobby Portis encore. Donc, voilà, écoute. Une équipe à pas trop prendre non plus à la légère. Alors, ouais. Eux. Ils n'ont rien à perdre. Ça peut être. Eux, ils auront un back-to-back. Par contre, dans la semaine, ils auront Miami et Cleveland. Et ensuite, donc, ils ont 4 matchs cette semaine. Ils ont Miami, Cleveland, New York et Chicago. Donc voilà pour eux leur calendrier chargé et ouais donc avant de nous jouer ils vont jouer Cleveland qui va peut-être les fatiguer un peu. Donc voilà ensuite donc et ils on seront finit... en back to back ouais c'est ça en back to back ouais et donc on finit par les San Antonio Spurs donc un deuxième gros test après Cleveland alors eux tous les voyants sont ouverts hein, ils sont sur un donc on a dit 9-1. Ils avaient perdu contre Charlotte, mais derrière, ils ont battu Orlando, ils ont battu Oklahoma City, ils ont battu 2 fois Dallas, les Lakers, Golden State, Phoenix, Sacramento. Bon, après, voilà, c'est Phoenix sans Booker, Sacramento, on en a parlé, Golden State sans beaucoup de leurs joueurs. Ils avaient écrasé les Lakers. Donc non, c'est une grosse équipe. Cette semaine, pour les fans de basket, je pense qu'on en a beaucoup qui nous écoutent ou qui nous regardent, il y a un San Antonio Détroit. Là. le 24. Donc cette nuit, je pense que ça va être cette nuit. San Antonio Détroit, ça va être, je pense, un gros match. Un beau match. Ça va être bien sympa à regarder. J'ai ouï dire que Wemby n'avait jamais contré un joueur des Detroit Pistons. Ah ouais ? Ouais, ouais. Il lui a été posé la question de savoir voilà, contre qui t'as marqué ça, voilà, tes premières fois contre telle et telle équipe. Et lors de cette interview, alors elle date peut-être Marc, il s'est peut-être vengé depuis. Mais les Detroit Pistons, c'était une équipe sur laquelle il n'avait pas effectué de contre jusqu'à présent. Ça risque d'arriver, hein, cette nuit, c'est possible. Il y a des fortes chances. Moi, je suis toujours épaté quand je le vois dans la raquette et quand t'as les équipes qui drive. Et là, ça fait. C'est comme dans les cartoons. Le mec, il s'arrête. Et puis il dévie, tu sais. Oups. C'est ça. Oh merde. La place est occupée. Ah bah non, mais en fait, là, je vais me faire contrer. Là. Bah, oui, bon, allez, hop, je sors la balle. Je vais faire un 3 points, moi. La dissuasion de ce mec est incroyable. Enfin, voilà, bref. Donc San Antonio, en termes de blessures, bah, eux, je crois qu'ils sont bien, les éperons de San Antonio. T'aimes bien quand je sors les blases français. Ils ont signé Mason Plumlee, mais donc ils jouent pas. Oui. Après, ils ont Lindy Waiters the Third. Et le fameux... Le 2 est meilleur quand même. Ouais, souvent le 2 est meilleur, c'est le 3 ouais, est souvent, le 3, c'est et souvent bâclé, tu sens qu'on veut finir la série. et donc David John Garcia aussi ne jouera pas, voilà. J'ai le regret de te le dire, toi qui le sergent Garcia. Mais voilà, ouais. Écoute, il ne jouera pas, donc équipe au complet, donc les Vassal, les Castle, les Fox, les Barnes, les Wembanyama, les tout ce que tu veux, les Jeremy Swan. Ah non, il a été coupé. Ils seront... Hey. Parce que ça sera pas son revenge game. Je sais pas. Il va prendre 2 shoots. Et un lancer franc. Un pied douane, histoire de... Donc avant de nous jouer, donc j'ai dit, donc Détroit, eux, ils font une petite road trip, là, ils font un petit trip à l'Est. C'est qui pas commence... road trip, justement. Ah, peut-être, ouais, 5 matchs. C'est un petit rodéo, alors. Ouais, c'est une petite vache. C'est sur une petite vache. C'est une machette. Ils sont sur une machette. Ça commence contre Détroit. Ensuite, ça enchaîne contre Toronto, Brooklyn et les Knicks. Et ensuite, le classique, quoi. Oui, comme ça, tomate-oignon, voilà. Et après, Philadelphie, parce que c'est pas loin, un coup de bus qui est rapidos. Voilà. Et après tu rentres à la maison, et quand tu rentres à la maison, qui t'attend à la maison? Les Detroit Pistons pour la revanche du match. Donc eux, avant de nous jouer, auront également 3 matchs dans les pattes. Detroit, Toronto, Brooklyn. Et donc ils seront en back-to-back, Toronto, Brooklyn, 26-27. Et ensuite New York. Voilà. Espérons que les Nets se fatiguent, ces éperons. Mais en tout cas, ça fait une belle semaine pour eux. Bon, ouais. Les traditionnels, 1, 2 questions. C'est quoi le match immanquable cette semaine? Alors, autant des fois, il y a des semaines, c'est évident. Et là, il y en a deux. Peut-être. Allez, s'il en fallait qu'un. Si t'as le droit d'en voir qu'un cette semaine. Cleveland, c'est notre. Cleveland, c'est notre. Alors, si je suis puni, c'est les Bucks. Si je suis pas puni, c'est les. Non, bah, puni, t'as le droit d'en voir qu'un. C'est Cleveland parce que c'est nos poursuivants. C'est eux. Ils sont en pleine bourre, nous, on ne sait pas trop, donc on les a joués qu'une fois, si je ne m'abuse. Est-ce que je m'abuse? Tu t'abuses, on les a joués 2 fois, on les a joués à Noël, on les avait battus. C'est vrai. On les avait battus, merci à Tyler Colec d'avoir sauvé notre Noël. C'est vrai. On les avait battus 126 à 124, hein. 2 petits points d'avance. On les a déjà battus 2 fois. Et on les avait battus en toute ouverture, le premier match de la saison régulière, on les a battus 119-111. Et les 2 matchs avaient eu lieu chez nous. Là, ça va se passer chez eux. Ils vont vouloir peut-être... différente. On verra. Ouais. James Harden, c'est plus Garland. Voilà. 2 équipes qui se cherchent dans la conférence Est, hein, qui se disputent une même place. Donc effectivement, c'est un match intéressant. Bon, je vais changer. Je vais dire que non, moi, c'est pas le match que j'attends le plus. Celui que j'attends le plus, c'est celui contre les Spurs. Pourquoi? Parce qu'on a une viewing party aussi. et puis, ça serait bien d'avoir un bilan positif pour avoir un ascendant psychologique sur eux quand on les retrouvera au mois de juin en finale. Voilà. Et puis, comme en plus Victor, il perd toutes les finales qu'il joue, j'ai envie de les retrouver en finale. Voilà. Une tendance qui risque de potentiellement changer, mais oui, c'est à aller. On sait pas, imagine, il nous fait genre pire que LeBron, il va en finale, mais il les perd toutes, quoi. Nul, quoi. Oh. Mon Dieu, ça sera pas le GOAT. Avant les conclusions hâtives et tout, non, bah effectivement, oui, le cœur balance entre le duel à confrontation directe avec les Cavs et puis cette belle affiche que sont la réception des Spurs. Les Spurs, on avait perdu, mais ouais, pas de grand-chose. On avait perdu, mais pas de grand-chose sur le match retour au 31 décembre. Hein, on perdait 132 à 134, un match très offensif. Donc voilà, il y a une petite histoire entre ces deux équipes qui, forcément, on va ressortir les images de Vegas, de la Cup. Et ça sera une affiche particulière, mais à une horaire pas évidente. Pour nous, les Français, c'est bien pour regarder, mais pour les joueurs, voilà. Bon, donc pronostic, moi j'étais sur un 3-0 plein d'innocence, en bisant le All-Star Break, ils se sont reposés, maintenant ça roule. Je me suis trompé, ça arrive, hein. Détroit était plus fort, je pensais pas que Cade était un MVP, bah maintenant je le sais. Cette semaine, toi t'étais parti sur un 2, t'étais plutôt pessimiste, et finalement c'est l'entre-deux, c'est le 2-1 la semaine dernière. Allez, t'avais vu une défaite, j'en avais pas vu. À toi l'honneur de te jeter dans le grand bain des pronostics. Cette semaine, 1, 2, 3 défaites. Écoute, 1, 2, 3 victoires. Je vais te dire... Ne se prononce pas. Non, mais tu vois, on peut sortir en fait... Sur une équipe inconstante. Ouais. Avec un 4 retrouvé. Non, mais c'est illisible. Parce qu'en fait... regarde, contre Boston, contre Philadelphie, contre... On est arrivé à faire des gros matchs. Et tu vois, contre Cleveland, ça a clairement la gueule d'une équipe qu'on peut faire un gros match. Mais autant ben, on peut faire une Détroit et se faire écraser. Contre Milly Bucks, autant on peut faire une Wizards, on peut faire une Bulls. C'est-à-dire ben, gagner difficilement, voire perdre, pourquoi pas, comme les Pacers. Le match qu'on perd, pour moi, San Antonio, on le perd. Pour moi, et puis j'ai peur qu'on le perde comme il faut. On a tendance à prendre des raclés. Donc pour moi, il y a un, c'est sûr. Il y a un 0-1. Il y a au moins une défaite cette semaine, mais est-ce qu'il y en a plus? Mais est-ce qu'il y en a plus? Moi, c'est Knicks, là. J'arrive pas à aller... Ah ouais, allez, je vais être optimiste, pardon. Je vais dire un 2-1. Je vais dire victoire contre Cleveland et victoire contre les Bucks. Sans conviction aucune. Sans conviction aucune. Je dis un 2-1. Deux victoires à l'arraché. Et une défaite cuisante. Voilà, voilà ce que je dis. Mais j'aurais bien envie de te suivre. Bah, je vais faire une variante histoire de. Non, pas 3-0. 3-0, c'est. Ça serait bien. Ce serait beau. Très beau. Bon, je vais faire une variante, je vais faire qu'on perd contre Cleveland. Ah, et tout de suite, ça y est, les Knicks, projet rebuild, de toute façon le coach, c'était tips qu'il fallait garder, patati patata. On connaît les surréactions chaque lendemain de défaite, et puis aussi les surréactions à chaque de lendemain de victoire. Mais ouais, défaite contre Cleveland, là, bon, voilà, parce que Cleveland a besoin de se rassurer chez eux. James Harden, voilà, ça change tout. Défaite contre Cleveland, et puis deux victoires après... J'y crois à moitié, effectivement, face aux Spurs. Ils ont une belle dynamique, ils ont la confiance, ils sont au complet. Est-ce que nous, au complet, avec un peu de confiance, on arrive vraiment à rivaliser face aux Spurs? À voir. Ce phénomène Victor Wembanyama, ça change quand même le jeu. Mais le pire, c'est qu'il est quand même plutôt bien entouré. Donc on a une belle équipe des Spurs. Voilà, ça me fait du mal à le dire, mais faut le dire. Non, mais bon. Pour le bien... de la KNF lors en viewing party, j'espère fortement une victoire face aux Spurs, et j'espère me tromper avec une victoire face aux Cavs, mais non, ça sera un 2-1 mais inversé. Voilà, je vais dire que non, les Bucks quand même, on gagne. Puis finalement, ça va être un 2-1, mais on va perdre face aux Bucks. Bon, tout est possible. Vous voyez, on n'a pas une énorme confiance dans la dynamique des Knicks, parce qu'il y a des bons éléments comme d'autres qui nous font douter. Est-ce que Karl Anthony Towns va avoir cette continuité? C'est pas comme si on n'avait pas commenté déjà les résultats, les 50 autres résultats depuis le début de la saison. Et rarement, nos pronostics sont tombés justes. Et encore plus rarement, les 3-0. même quand il y avait une belle série de victoires, on n'y croyait qu'à moitié. Donc... Bon, allez, ça sera un 2-1 pour moi aussi, et Jean-Michel à moitié, ouais. Et à voir si Cleveland a raison de mon pronostic avec cette défaite. Et toi, inversement, est-ce que tu avais vu juste? Est-ce qu'on aura raison du barbouzeau? À voir, à voir. Bon, voilà en tout cas pour nous pour cette semaine, pour cet épisode 147. Et pas que, parce qu'ils se sont aussi renforcés. Ils ont Keyon Ellis, ils ont Schroeder. Ils ont. Mais nous on a Sohan, on a Alfa, on a Modiawara qui est le nouveau Siakam, mais qu'on sait pas encore aussi, vraiment parce qu'on ne donne pas beaucoup de temps de jeu. On sait jamais, on peut nous ressortir la petite carte Tyler Colec qui. Et en la plus. Monde, paf! En plus, c'est pas des vrais back-to-back. Donc là, ce coup-ci, Mitch, il joue tous les matchs. Rien à faire. Le pseudo back-to-back de la fin de la semaine, on dira, non, Mitch, c'est pas un back-to-back. T'as joué vendredi, tu joues dimanche. Ouais, mais... Non, Mitch, tu dois défendre contre Victor. Tu dois éteindre Victor. Donc ouais, j'y crois. Ouais, j'y crois de plus en plus. Bon, voilà, en tout cas, ça va être tout pour nous pour cet épisode 147. On vous donne rendez-vous lundi prochain, même endroit, même heure. KNFTV à 18h30 le lundi pour l'épisode 148 et pour débriefer ces 3 victoires ou ces 3 défaites ou ces 3 matchs nuls. Non, ça, c'est ça s'est fini au pénalty. Ça s'est fini au pénalty. 3 matchs annulés pour coach. D'ici là, portez-vous bien. Ayez confiance aux Knicks. Ne les enterrez pas trop vite. Ne les encensez pas trop vite non plus. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait grand monde à les encenser en ce moment. Hein. Non. Mais bon. Mais voilà, la saison n'est pas finie. La régulière n'est pas terminée. Il reste encore un bon mois et demi de compétition avant d'attaquer les playoffs. L'important, c'est d'arriver en forme. Oui, les playoffs, on y sera. Les playoffs, on y sera. Maintenant. À quel état? Quelle place? Pour y faire quoi? Contre qui? Vous saurez la suite au prochain épisode. C'est une série Netflix, ça, la NBA. Ah oui. Il y a des gens qui veulent nous spoiler, mais ça marche rarement. Ça marche rarement. Allez, bonne semaine à toutes et à tous. Et rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 148. Ciao, ciao.